Encore toi, Yund. Je me suis trouvé par erreur dans ce jeu plein d'armes explosives. Je m'étais retrouvé dans une arme d'un jeu nommé Unreal Tournament. Je me suis trouvé par erreur dans ce jeu plein d'armes explosives. Je m'étais retrouvé dans une arène d'un jeu nommé Unreal Tournament. Archimède, j'ai pris la lance en tête et j'ai tiré partout. Tout le jeu est une trois vitesses, mais sans tu l'as, j'en ai qu'au feu. Je décapite le troisième, les flèches me fais-tu paraître de plasma. Je résiste prêt à sniper, je me bloque en hauteur et je canarde tout ce qui est dans mon viseur. Je me marque en mouse, même si je me fais tuer. Bien sûr, c'est pas réel, oui, c'est Unreal. Je me suis trouvé par erreur dans ce jeu plein d'armes explosives. Je m'étais trouvé dans une arène d'un jeu nommé Unreal Tournament. Dégage de mon chemin, espèce d'internaute et cervelette. J'ai toujours canardé, ouais, j'ai un killer qui peut fuiter la face du monde. Où est donc Ornica? C'est lui le leader de la partie, ouais. Je me suis trouvé par erreur dans ce jeu plein d'armes explosives. Je m'étais trouvé dans une arène d'un jeu nommé Unreal Tournament. Je me suis trouvé par erreur dans ce jeu plein d'armes explosives. Je m'étais trouvé dans une arène d'un jeu nommé Unreal Tournament. On va s'éclater! Je fais du pétina, je vais bouffer du chat, je leur faire prendre un bain, dans leur sang de crétin. J'avais bouffé du nain, je vais bouffer du chat, je leur faire prendre un bain, dans leur sang de crétin. J'avais bouffé du nain, je vais bouffer du chat, je leur faire prendre un bain, dans leur sang de crétin. Je me suis trouvé par erreur dans ce jeu plein d'armes explosives. Je m'étais trouvé dans une arène d'un jeu nommé Unreal Tournament. Je me suis trouvé par erreur dans ce jeu plein d'armes explosives. Je m'étais trouvé dans une arène d'un jeu nommé Unreal Tournament. Félicitations, vous avez gagné.